Dans la province du Pyongyang du nord de la Corée, le chantier d'enrichissement de la mine de Chunma est achevé et entré en service le 19 courant. Il permet d'épargner les main-d'œuvre et l'électricité et d'accroître la productivité à 1,5 fois par rapport au passé.